الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on continue les cours qui ont rapport avec les conditions de la salat dans le livre écrit par le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab qui s'intitule Shurut al-Salat wa Arkanuha wa Wajibatuha, c'est-à-dire les conditions de la salat ainsi que ses piliers et ses obligations. Et avec le sharh du Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad, Hafizahullah, le grand savant de Médine. Donc, on est arrivé au cours numéro 10 où le Cheikh explique maintenant Surat al-Fatiha. On est en train d'expliquer Surat al-Fatiha. Donc on est arrivé à la partie où le Cheikh explique Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Donc il dit qawluhu Iyaka na'budu ay la na'budu ghayrak. عهد بين العبد وبين ربه أن لا يعبد إلا إياه وإياك نستعين عهد بين العهد بين العبد وبين ربه أن لا يستعين بأحد غير الله. Donc le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab رحمه الله il mentionne donc que l'explication du verset إياك نعبد وإياك نستعين dans sourate al-Fatiha, c'est-à-dire c'est toi seul que nous adorons, il dit, c'est-à-dire nous n'adorons personne d'autre que toi, et c'est un engagement entre le serviteur et son seigneur qu'il ne va rien adorer excepté lui. Et إياك نستعين, ça qui signifie en français et c'est toi seul à qui nous demandons de l'aide, c'est un engagement entre le serviteur et son seigneur qu'on ne va demander de l'aide à personne excepté à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad il fait quelques commentaires sur ce passage là. Il dit قال الله عز وجل وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وتقديم المفعول وهو اياك في العبادة والاستعانة فيه قصر واختصاص قصر العبادة على الله واختصاصه بها فلا يعبد إلا الله ولا يستعان إلا بالله فلا يطلب العبد العون من الملائكة ولا الجن ولا الغائبين أما طلبه العون من إنسان حاضر يقدر على إعانته ومساعدته في تحصيل نفع أو دفع ضر فهذا سائغ لا محظور فيه. Donc le Cheikh explique que Allah Azza wa Jal il a dit dans le Coran nous avons créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Nous n'avons créé les djinns et les hommes, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Le verset 56 dans sourate Al-Dhariyat. Et le Cheikh explique que dans le verset Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, Allah subhanahu wa ta'ala il fait précéder il fait précéder l'objet, hein, dans le sens que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est l'objet de l'adoration et il le met en premier avant le verbe. Et la raison pourquoi il fait ça, c'est pour donner un sens de restriction et pour montrer que c'est quelque chose qui est spécifique à Allah. Donc il dit Iyaka na'budu. Iyaka na'budu. Ça veut dire quoi? C'est toi que nous adorons. Il n'a pas dit nous t'adorons, hein? Nous t'adorons. Il a dit c'est toi que nous adorons. C'est-à-dire, c'est dans le sens que Iyaka, au lieu de dire na'buduka, nous t'adorons, en arabe il dit Iyaka, il met le maf'oul en premier. C'est pour montrer que c'est seulement toi et personne d'autre et rien d'autre que nous adorons. C'est dans ce sens, ça donne ce sens-là. Hein? Parce que si tu dis par exemple na'buduka, na'buduka ça veut dire on t'adore. On t'adore. Mais ça peut vouloir donner ce sens-là dans le sens que on t'adore toi, mais on peut adorer d'autres aussi. Hein? On t'adore. Mais quand on dit c'est toi que nous adorons, ça donne le sens que c'est seulement toi. Il n'y a personne d'autre que nous adorons que toi. Donc ça donne le sens de la restriction, puis le fait que c'est exclusif et c'est particulier à Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens qu'on n'a pas le droit d'adorer rien d'autre que lui. Et le cheikh il dit donc que personne ne doit être adoré excepté Allah, et personne, on ne doit demander l'aide de personne excepté l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc on n'a pas le droit de demander l'aide par exemple l'aide des anges ou l'aide des djinns ou l'aide des créatures qui sont absentes ou des êtres humains qui sont morts, hein, ou qui sont absents. Si quelqu'un fait ça c'est du shirk majeur, parce qu'il demande à quelque chose d'absent, quelque chose qui n'est pas là, quelque chose qui n'est pas présent. Tandis que si tu demandes de l'aide à un être humain qui est présent et qui est capable de t'aider, ça dans ce cas-là c'est pas interdit, hein, c'est permis, tant que tu lui demandes quelque chose qu'il est capable de faire, hein, dans les limites de sa capacité, ça, il n'y a pas de problème. Dans ce cas-là, c'est quelque chose qui est permis, il n'y a pas de problème. Mais tu demandes à un mort, tu demandes à un djinn, tu demandes à un ange, tu demandes à un cheikh qui est enterré depuis 1000 ans ou depuis 10 ans, ou moins ou plus, peu importe la durée, du moment qu'il est mort, tu ne peux pas lui demander ce genre de choses. C'est seulement à Allah subhanahu wa ta'ala que tu as le droit de demander de l'aide. Ensuite, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab explique la suite du verset. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Le Cheikh dit qawluhu ihdina as-sirata al-mustaqim. Ma'na ihdina, yani dullana, wa arshidna, wa thabbitna. Was-sirat al-islam. وقيل الرسول وقيل القرآن والكل حق والمستقيم الذي لا عوج فيه. Donc le cheikh il dit اهدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ, guide-nous sur le droit chemin, le chemin droit. Donc guide-nous sur le chemin qui est droit. Et la signification de اهدِنَا, le cheikh il dit la signification de اهدِنَا, ça veut dire indique-nous, oriente-nous sur la droiture et raffermis-nous. Et as-sirat, le cheikh dit as-sirat, ça veut dire l'islam. D'autres ont dit que c'est le messager, d'autres ont dit que c'est le Coran, mais toutes ces significations là sont vraies. Donc le droit chemin c'est quoi? C'est l'islam, c'est le messager sallallahu alayhi wa sallam, c'est le Coran, hein? Et al-mustaqim, c'est-à-dire qui n'a pas de c'est-à-dire un chemin qui est droit dans le sens qui n'est pas tortueux. Il n'y a pas il y a rien de tortueux dessus, il n'y a rien de compliqué dessus, il n'y a pas de tournant ou de courbe, hein, ou de virage, il est droit, hein. Après le cheikh explique ce passage là il dit hajatul abd ila al-hidayati ila as-sirat al-mustaqim fawqa kulli haja wa fawqa kulli haja wa daruratuhum ilayha فوق كل ضرورة وحاجتهم إليها أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب لأن الطعام والشراب سبب بقائهم في هذه الحياة الدنيا أما هدايتهم الصراط المستقيم فهي سبب فلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة وطلب الهداية إلى الصراط المستقيم يتضمن طلب الدلالة والإرشاد إلى طريق الحق والهدى ويتضمن طلب التوفيق لسلوك الصراط المستقيم وسؤال العبد ربه في كل ركعة من ركعات الصلاة الهداية إلى الصراط المستقيم. Donc on va expliquer cette partie-là. Le cheikh il dit que le besoin du serviteur de la guidance vers le droit chemin, ça c'est quelque chose qu'il a besoin par-dessus tout. Et c'est une chose qui est nécessaire pour lui au-dessus de toute autre nécessité. Et c'est un besoin qu'il a qui dépasse même et qui est plus grand que son besoin pour la nourriture et pour l'eau hein, qu'il a besoin de boire. Parce que la nourriture et l'eau, quand tu le bois, ça c'est quelque chose, juste tu le prends pour rester en vie dans cette dunya. Tandis que la guidance vers le droit chemin, c'est la cause hein, et le moyen par lequel tu auras le succès et le bonheur dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Hein. Donc, de demander et de rechercher la guidance vers le droit chemin, c'est quelque chose qui implique de demander l'orientation et de demander l'indication vers la vérité et vers la guidance. Et qui implique le fait de chercher le succès, hein, de rechercher le succès pour pouvoir emprunter ce droit chemin-là. Et donc, le serviteur, quand il récite Surat al-Fatiha et qu'il dit Ihdina Surat al-Mustaqim, il demande à son Seigneur dans chaque rak'a qu'il fait dans la prière de le guider vers le droit chemin. Le Cheikh il dit Yatadammanu su'al Allah Azza wa Jal Yatadammanu su'al Allah Azza wa Jal wa tathbitahu ala ma hasala lahu min al-hidayah wa yatadammanu talab al-mazid min al-hidayah كما قال عز وجل والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ولا تنافى بين تفسير اهدنا بدلنا أو وأرشدنا وثبتنا وتفسير الصراط المستقيم بالإسلام والرسول والقرآن لأن ذلك من قبيل الاختلاف التنوع وليس من قبيل الاختلاف التضاد ولهذا قال الشيخ والكل حق وتفسيرات السلف غالبا تكون من هذا القبيل إما تفسير بألفاظ متقاربة كلها حق ولا تنافي بينها كما هنا وإما تفسير بالمثال وهو أن يفسر لفظ عام ببعض أجزائه مثل قوله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة فإن تفسير حسنة الدنيا بالزوجة الصالحة أو الولد الصالح أو المال الطيب ولا منافاة بينها وهو من قبيل التفسير بالمثال. Donc le cheikh explique ensuite, il dit que le fait de demander à Allah subhanahu wa ta'ala d'être sur le droit chemin, ça implique également de demander à Allah de nous raffermir sur la guidance qu'on a déjà obtenue et de demander à Allah qu'il nous augmente en guidance. Par exemple, si je dis par exemple guide-moi sur le droit chemin, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala guide-nous sur le droit chemin, est-ce que ça veut dire qu'on est égaré? Est-ce que ça veut dire qu'on est égaré? Non, en fait c'est parce que les ulama ils ont expliqué que la guidance et l'égarement c'est quelque chose qui est relatif. Dans le sens que il y a l'égarement total et absolu, c'est-à-dire quand quelqu'un est dans le kufr ou dans le shirk, hein, là il est un égaré complet, total. Puis il y a un égarement qui est yani, relatif à la personne, dans le sens que quelqu'un par exemple, il a accepté la guidance, il a accepté l'islam. Sauf que dans son islam, il y a encore des parties qu'il ignore ou des parties qu'il pratique pas bien ou qu'il fait des péchés ou il fait des bid'ah. Donc il y a des parties d'égarement en lui, mais c'est pas l'égarement total, c'est un égarement partiel hein. Donc c'est pour ça que même si on est déjà guidé dans l'islam, on continue tout le temps à demander à Allah de nous guider encore. Pourquoi? Parce que on a toujours besoin d'augmenter en guidance. Non, si, donc, si quelqu'un convertit à l'islam, mais qu'en même temps il dit qu'il est chrétien, ou qu'il continue à pratiquer le christianisme, dans ce cas-là, il n'est pas considéré comme étant un musulman. Il doit, pour être musulman, se désavouer complètement du christianisme. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّارُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ. C'est-à-dire celui qui s'est désavoué du tarout et qui a renié le tarout et qui a cru en Allah. C'est-à-dire que la foi et l'islam de quelqu'un ne sera jamais accepté tant qu'il ne s'est pas désavoué de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et de tout ce qui est faux comme religion. Sinon, son islam ne sera pas accepté d'Allah, ne sera pas valable. D'accord? Et donc, il n'a pas, celui-là, il n'a pas encore atteint la guidance, il est encore dans l'égarement total. Jusqu'à ce qu'il se désavoue complètement du shirk et du kufr et du christianisme et de toute autre croyance de kufr et de shirk qui existe. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit justement dans le verset 17 dans surat Muhammad, et ceux qui ont été guidés, Allah les augmente en guidance et il leur donne leur piété. Wa atahum taqwahum. Wallazina ihtadaw zadahum huda. Zad, ça veut dire menaziyada, ça veut dire augmenter, faire croître, faire grandir. Donc, zadahum, ça veut dire il leur augmente en guidance. Walladhina ihtadaw zadahum huda, ça veut dire il les augmente en guidance. D'accord? Et ça, c'est pour montrer que quelqu'un peut être guidé, mais continue quand même à demander à Allah de la guidance pour qu'il soit encore plus guidé, avec plus de science, plus de pratique, plus d'application, plus de piété. Donc ça, c'est la signification. De connaître plus la sunna, de connaître plus la salafiyya, de s'accrocher à la aqidah, de s'accrocher au manhaj, de s'accrocher à l'obéissance d'Allah, de s'écarter de la désobéissance et des péchés, et ainsi de suite. Et de s'écarter des bid'ah. Donc ça, tout ça, c'est des éléments de guidance. Après, le cheikh, il dit, il n'y a pas de contradiction entre le fait de dire « guide-nous » et de l'interpréter par le sens de « indique-nous » ou « oriente-nous » ou « raffermis-nous » et l'interprétation de « as-sirat al-mustaqim » tu dis « c'est le messager » ou « le Coran » ou bien c'est comme le cheikh l'a expliqué que « as-sirat al-mustaqim » c'était le Coran ou le messager ou l'islam, il n'y a pas de contradiction entre ces différentes interprétations là. La même chose que quand on dit ihdina, quand on dit que ça veut dire dullana ou arshidna ou sabitna, tout ça c'est des choses qui ont le même sens au fond. Et c'est pour ça que ça fait partie de ce qu'on appelle ikhtilaf at-tanawwu'. Ikhtilaf at-tanawwu'. C'est-à-dire que il y a des différences d'interprétation du Coran qui sont des interprétations, quand on les entend, comme on voit ces différences. C'est-à-dire le Coran, c'est le Coran, le messager, c'est le messager, et l'islam, c'est l'islam. C'est pas la même chose. Donc il y a une différence entre les termes. Sauf que le sens, ça revient au même à la fin. Puisque c'est toujours, on parle toujours de la guidance. Puisque l'islam, c'est le droit chemin. Le messager, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est celui qui nous indique et qui nous guide vers le droit chemin. Et la même chose pour le Coran. Le Coran, c'est la guidance aussi. C'est qu'est-ce qui nous amène au droit chemin aussi. Donc, même si c'est des termes différents, mais ça indique la même chose. Donc, il n'y a pas de divergence dans ce cas-là. C'est qu'est-ce qu'on appelle Irtilaf at-tanawwu. C'est des termes différents, mais qui n'impliquent pas de contradiction l'un avec l'autre. Tandis que il y a une autre forme de divergence qu'on appelle irtilaf at-tadad, ça c'est une divergence dans laquelle ça implique une contradiction entre les termes. Et quand il y a une contradiction entre les termes, c'est là qu'il faut vérifier pour voir, par exemple, est-ce que c'est authentique ou non, dans le sens que peut-être qu'il y a une des interprétations qui est faible. D'accord ? Dans ce cas-là, on va prendre celle qui est vraie ou et de laisser de côté celle qui est faible, ou bien voir dans quel sens on peut les appliquer, on peut les prendre tous les deux selon un contexte différent ou ainsi de suite. Et le cheikh, c'est pour ça que puisque dans cet exemple-là, le cheikh il mentionne que le droit chemin c'est l'islam ou le messager ou le Coran, il dit, et le cheikh il dit, wal kullu haq, c'est-à-dire toutes ces interprétations-là sont vraies, parce qu'elles sont toutes avec le même sens au fond. Et il dit, le cheikh, qu'en général, les interprétations qui sont données par les salafs sont de cette catégorie-là. C'est soit une interprétation par des termes qui sont rapprochés dans leur signification et dans leur sens, et qui sont toutes vraies, il n'y a pas, d'opposition, de contradiction entre elles, et il y a d'autres interprétations qui sont des interprétations par des exemples, dans lesquels on interprète un terme qui est général avec certains exemples des éléments qui composent ce terme-là. Comme par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 201 dans surat al-Baqarah, notre Seigneur donne-nous le bien dans cette dunya et le bien dans l'au-delà. Et le cheikh explique que le bien, il a été interprété par le bien dans la dunya, il a été interprété par l'épouse pieuse ou bien par un enfant pieux ou vertueux et par une richesse, une bonne richesse ou des biens qui sont bons. Donc tout ça c'est des bonnes choses dans la dunya, mais c'est des exemples qui font partie de qu'est-ce qui est bien de façon générale, hein? C'est juste pour nous rapprocher le sens, pour nous donner des exemples. Donc c'est pour ça qu'il dit ça c'est une forme de tafsir par al-mithal, c'est-à-dire en donnant des exemples de qu'est-ce qui est bien dans la dunya, mais on pourrait en donner plus. Après, le cheikh il dit l'explication de la suite du verset, قوله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين طريق المنعم عليهم والدليل قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا غير المغضوب عليهم وهم اليهود معهم علم ولم يعملوا به تسأل الله أن يجنبك طريقهم ولا الضالين وهم النصارى يعبدون الله على جهل وضلال تسأل الله أن يجنبك طريقهم ودليل الضالين قوله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا والحديث عنه صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن أخرجاه والثاني والحديث الثاني افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قلنا من هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. Donc le cheikh il explique, il dit, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit le droit chemin, il explique ensuite la suite du verset, le chemin de ceux sur qui tu as mis ta grâce, hein, et non pas le chemin de ceux qui ont encouru ta colère, ni de ceux qui se sont égarés, ou des égarés. Le cheikh, il explique, il dit le chemin de ceux qui ont reçu ta grâce, ou sur lesquels il y a ta grâce, il dit la preuve de ceux sur qui Allah a mis sa grâce, c'est le verset 69 dans surat An-Nisa. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset-là, il explique qui sont ceux qui ont eu la grâce d'Allah. Il dit وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ. Donc ça veut dire ceux qui obéissent à Allah et aux messagers, ceux-là sont ceux-là qui ont obéi à Allah et aux messagers, ceux-là sont avec ceux sur, yani qui ont reçu la grâce d'Allah. Hein? Ils sont avec ceux yani, qui ont reçu la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou qui ont la grâce d'Allah sur eux, parmi les prophètes, les siddiqin, c'est-à-dire les véridiques, les martyrs, les shuhada, hein, et les salihin, les vertueux. Et quelle belle compagnie que celle-là, hein, quelle belle compagnie. Donc c'est pour dire que ceux sur qui Allah a mis sa grâce, ce sont les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux, les pieux, et ceux qui sont avec eux. Hein? Donc ça c'est l'interprétation de ce verset dans Sourate Al-Fatiha. C'est le verset 69 dans Sourate An-Nisa. Et ceux qui ont eu la colère d'Allah, ce sont les juifs, Al-Yahoud. Et le cheikh explique pourquoi. Il dit, pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ont de la connaissance, mais qui n'ont pas appliqué cette connaissance. Ils n'ont pas agi selon la connaissance qu'ils ont. Et donc, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala dans cette surah, dans surah Al-Fatiha, de t'écarter de leur voie. C'est-à-dire de pas être parmi ceux qui ont de la connaissance et qui ne l'appliquent pas. Mais plutôt d'être parmi ceux qui ont de la connaissance et qui l'appliquent et qui agissent selon la connaissance qu'ils ont. Si tu as de la connaissance mais que tu ne l'appliques pas, donc c'est comme si tu ressemblais aux juifs. Hein? Et il dit, et les égarés. Hein, et non pas le chemin des égarés, c'est-à-dire ceux qui, il dit ce sont les chrétiens. Il dit pourquoi? Parce que c'est des gens qui adorent Allah avec l'ignorance et l'égarement, puisqu'ils n'ont pas de science. Hein, donc ce sont des ignorants qui adorent Allah par ignorance, et donc c'est comme si à cause de leur ignorance ils s'égarent. Hein? Et le cheikh il dit, tas'aluhum an yujannibaka tariqahum. Tu demandes à Allah qu'il t'écarte de leur voie. Et la preuve de ceux qui ont été égarés dans le Coran, c'est quoi le verset qui mentionne ça? C'est le verset dans sourate Al-Kahf, le verset 103. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, voulez-vous qu'on vous apprenne qui sont les plus grands perdants en œuvre? C'est le verset 103. Et le verset 104. Ceux qui ont gaspillé leurs efforts dans cette vie d'ici-bas, alors qu'ils s'imaginaient faire le bien. Ça, c'est l'exemple des chrétiens. C'est l'exemple des gens qui adorent Allah par l'ignorance. Comme les soufis, parmi les musulmans, ceux qu'on appelle les soufis, hein, ils adorent Allah par ignorance. Donc ils font beaucoup d'efforts dans la vie d'ici-bas pour adorer Allah, mais ils adorent Allah par des innovations ou par des choses qui n'ont pas de preuves, qui ne sont pas basées sur la révélation. Et donc, à cause de ça, ils sont égarés à cause de leur ignorance. Et le cheikh il dit ensuite, et également il y a un hadith à ce sujet, le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, vous allez suivre les voies des juifs et des chrétiens pas à pas. Jusqu'à ce que si l'un d'entre eux rentre dans le trou d'un lézard, vous allez rentrer avec eux. Et les sahaba ont dit, ô messager d'Allah, parles-tu des juifs et des chrétiens? Il dit, qui d'autre? Ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc c'est pour dire qu'il y a une partie de cette umma qui va suivre malheureusement les juifs et les chrétiens. Et qui va être à leur exemple, c'est-à-dire qu'ils vont avoir de la science mais qu'ils ne vont pas l'appliquer, ou bien qu'ils vont être ignorants et qu'ils vont adorer Allah par ignorance. Et effectivement, on a trouvé dans la Ummah des musulmans malheureusement qui ont des catégories de ces deux groupes-là, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait annoncé. Toutefois, dans le deuxième hadith, c'est comme pour nous dire qu'il y a quand même un groupe des musulmans qui va suivre la vérité. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith que les juifs se sont divisés en 71 sectes et que les chrétiens se sont divisés en 72 sectes et que cette umma va se diviser en 73 sectes et qu'elles seront toutes en enfer excepté une. Alors on a dit, ô messager d'Allah, laquelle, c'est-à-dire laquelle qui va être au paradis? Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est celle qui suit ce que je suis moi-même ainsi que mes compagnons. D'accord? Donc si tu suis ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a suivi et que tu suis l'exemple de ses compagnons, eh bien là dans ce cas-là tu es du groupe sauvé. Et il y a un groupe sauvé qui va toujours exister dans la Umma jusqu'à la fin des temps, qui va s'accrocher réellement au Coran et à la Sunna et à l'exemple des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des salafs, et c'est ceux qui s'accrochent à la voie des salafs et qui suivent la Sunna, c'est eux qui sont le groupe sauvé. Donc comme on l'explique souvent aussi, c'est bien de mentionner peut-être pour éviter que les gens comprennent mal ce hadith. Lorsqu'on parle des 73 sectes, ça ne veut pas dire que quand on dit qu'ils seront en enfer, tous en enfer excepté un, ça ne veut pas dire qu'ils sont tous des koufars. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont, il y en a, c'est ça, il y en a que parmi eux ce sont des égarés ou des sectes de bid'ah. Il y en a parmi eux que c'est des koufars qui vont aller en enfer pour l'éternité. Mais il y en a d'autres qui sont juste des égarés parmi les gens de bid'ah ou parmi des pécheurs. Et ils vont être peut-être... Donc ce hadith, c'est une menace pour eux, pour dire que ces gens-là sont sous la menace de l'enfer. Peut-être que parmi eux, Allah va faire miséricorde à certains d'entre eux et les faire entrer au paradis. Et peut-être que certains d'entre eux vont être en enfer pour un certain temps, mais bien entendu, tant qu'ils n'ont pas commis de shirk majeur ou de kouf majeur, ils ne vont pas être éternellement en enfer, ils vont sortir après un certain temps. Le cheikh, il dit ensuite, donc le cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah, maintenant il va expliquer ce passage qu'on vient de lire. Et il dit, « As-sirat al-mustaqim, alladhi yas'al al-muslim rabbahu » أن يهديه إياه هو طريق المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين كما قال عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وهو يسأل الله في كل ركعة من ركعات صلاته أن يهديه طريق الحق والهدى وأن يجنبه طريق أهل الضلال والغواية من اليهود والنصارى وحديث لتتبعن سنن من كان قبلكم رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد وأوله عند البخاري بلفظ لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع ولفظ وعند مسلم باللفظ لتتبعن الذين من قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع. نعم. Donc le cheikh explique, il dit que le droit chemin, c'est-à-dire que celui que le droit chemin que le musulman demande à son Seigneur et qu'il demande à son Seigneur de le guider vers celui-ci, c'est le chemin de ceux sur qui Allah a mis sa grâce, parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux, les vertueux. Et le cheikh, il dit, c'est comme dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il dit dans le verset 153 dans Surat Al-An'am, et ceci est mon droit chemin dans toute sa rectitude, alors suivez-le. Et ne suivez pas les petits sentiers qui vous diviseront et vous égareront de son chemin. Voilà ce en quoi il vous enjoint pour que vous puissiez avoir la piété. Ou bien at-taqwa. Et il dit que, donc on demande dans chaque rak'a, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider vers le chemin de la vérité, le chemin de la guidance, et de nous écarter du chemin des gens de l'égarement et de la déviation parmi les juifs et les chrétiens. Et le hadith, vous allez suivre les exemples de ceux qui étaient avant vous, c'est rapporté par Al-Bukhari, le hadith 7320, et le hadith dans Muslim, c'est 2669, selon Abu Sa'id al-Khudri. Et dans Al-Bukhari, le terme, le lafz qui est employé, la version qui est mentionnée, c'est vous suivrez ceux qui sont venus avant vous. Shibran bi shibrin, zira'an bi zira. C'est-à-dire pour dire étape par étape, pas à pas. Et le cheikh il dit ensuite, wa hadith al-iftiraq, iftiraq al-umma, جاء عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المسند الإمام أحمد وانظر سلسلة الأحاديث للألباني le hadith, الحديث 203 و 204 وقد نقل تصحيحه عن ابن تيمية والشاطبي والعراقي. Donc le hadith de la division de la Ummah, il est rapporté par un groupe d'entre les Sahaba, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le tahrij de ce hadith, les références de ce hadith sont rapportées dans les notes de du hadith numéro 16937 dans la Musnad de l'imam Ahmad, et également tu peux retourner à Silsilat al-Ahadith de Cheikh al-Albani, le hadith 203 et 204, et il rapporte l'authentification de ce hadith-là de la part de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, de l'imam al-Shatibi et de l'imam al-Iraqi. Parce qu'il y a des gens de bid'a qui essaient de falsifier, ou de, pas de falsifier, mais de mentionner, ou de dire que, de prétendre que ce hadith-là, il est faible. Le hadith qui mentionne que la Ummah va se diviser en 73 sectes, ils essaient de dire, non, le hadith, il n'est pas authentique. Alors que le hadith, il est authentique. Mais eux, en fait, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est que les musulmans restent dans leur division. Et ils ne veulent pas que, ils veulent pas abandonner les bid'as qu'ils suivent. Donc ils essaient de faire croire qu'il n'y a pas de division. Et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas accepter ce hadith. Parce qu'ils ne veulent pas accepter le fait qu'il y a des gens qui sont dans l'égarement et il y a des gens qui sont sur la droiture parmi les musulmans. Donc, Allah al-Musta'an, ils essaient de le déclarer faible. Et le cheikh, il explique. Il dit wal murad bil umma fi al hadith ummat al ijaba wa hadhihi 73 firqa muslimun firqa najiya wa hum alladhina ala ma kana alayhi an nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa ashabihi wa 72 firqa متوعدون بالنار لانحرافهم عن طريق الحق وأمرهم إلى الله إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم وأما أمة الدعوة فهم كل إنسان وجني من حين بعثته من حين بعثته أو من حين بعثته صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة ويدخل فيها أو يدخل فيهم اليهود والنصارى وسائر ملل الكفر لقوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وانظر فتوى شيخ الإسلام وفتاوى اللجنة الدائمة. Donc le cheikh, il dit, qu'est-ce qu'on veut dire par la Umma dans le hadith des 73 sectes? On parle de la Umma qui a répondu à l'appel, c'est-à-dire les musulmans. Donc il y a 73 sectes parmi les musulmans. Et il y a un groupe sauvé parmi ces sectes-là, il y a une secte qui est sauvée. Et c'est ceux qui se sont accrochés à ce que suivaient les Sahaba, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les Sahaba. Et il y en a 72 qui sont des sectes qui sont menacées de l'enfer à cause de leur déviation du droit chemin et de la vérité. Et c'est Allah qui va décider de leur affaire. S'il veut, il va les châtier. S'il veut, il va les pardonner. En ce qui concerne la Ummah qui est appelée à l'islam, c'est-à-dire les kuffars, cela c'est tout le reste, c'est-à-dire tous les hommes et les djinns depuis la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'au jour de la résurrection qui ne sont pas convertis à l'islam. Donc on peut faire rentrer dans ceux-là les juifs et les chrétiens et toutes les autres croyances et religions de kufr. Tous ces gens-là font partie de Ummat al-Da'wa, ceux qui doivent recevoir l'appel de l'islam. Et la preuve, il dit la preuve de ça, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, par celui qui tient mon âme en sa main, nul n'entend parler de moi, qu'il soit juif ou chrétien, et qu'il meure sans avoir cru en ce avec quoi je suis venu ou ce avec quoi j'ai été envoyé, excepté qu'il sera parmi les gens de l'enfer. Ça c'est rapporté par l'imam Muslim selon Abi Huraira radiallahu anhu, et tu peux le trouver également yani dans d'autres explications aussi, comme les fatwas de Cheikh al-Islam, yani le volume 7 à la page 218, et les fatwas de Al-Lajnat al-Da'ima, le volume 2 à la page 157. Donc il y a les clarifications à ce sujet-là. Donc ça c'est pour répondre à ceux qui prétendent que les juifs et les chrétiens ne sont pas des koufars, hein, ou qui essaient de dire que le hadith des 73 sectes parle de la umma, de ummat al-da'wa. Non, ça ne parle pas de ummat al-da'wa, ça parle de ummat al-ijaba, c'est-à-dire celle qui a répondu à l'appel de la da'wa et qui est musulmane. Après, le cheikh explique, il dit, la suite de l'explication de la prière, après qu'on ait fini de réciter la Fatiha, donc on passe aux autres partie de la prière ensuite. Hein? Il dit wa qawluhu wa ruku'u wa raf'u minhu wa sujud 'ala al-a'dha' as-sab'a wa al-i'tidalu minhu wa al-jalsatu bayna as-sajdatayn wa ad-dalilu qawluhu ta'ala ya ayyuhalladhina amanu irka'u wasjudu wa al-hadith 'anhu sallallahu 'alayhi wa sallam umirtu an asjuda 'ala sab'ati a'zham wa at-tama'nina fi jami' al-af'al والترتيب بين الأركان والدليل حديث المسيء صلاته عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي فعلها ثلاثا ثم قال والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعة ثم ارفع حتى تعتدل قائمة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. Donc ensuite الحمد لله يهديكم الله ويصلح بالكم. Donc le cheikh, il explique, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il explique ensuite les piliers de la prière. Donc il dit, après avoir récité la Fatiha, après avoir fait le takbir, et après tu récites le dua al-istiftah, après tu fais la surat al-fatiha, après tu récites une autre surah, après il dit, après tu vas te pencher, tu vas faire recours. Après tu vas te relever, hein, tu te relèves du recours, ça fait partie des piliers. Après tu vas te prosterner, et la prosternation c'est sur les sept membres. Et on va expliquer après quels sont ces sept membres. Et ensuite de te relever entre les deux, prosternation, après tu te reprosternes, et la preuve de ça c'est le verset 77 dans Surat al-Hajj, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Oh vous qui avez cru, inclinez-vous et prosternez-vous. » Et le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit « J'ai été ordonné de me prosterner sur sept membres. » Et « At-tama'nina », c'est-à-dire de trouver le calme et la tranquillité dans chacun de tes mouvements. C'est-à-dire « At-tama'nina », c'est que quand tu fais tes mouvements dans la prière, et bien après, dans chaque mouvement que tu fais, tu dois prendre ton temps pour retrouver ton calme et ta sérénité. Donc tu vas pas prier par exemple tu t'inclines et puis tu restes pas incliné assez longtemps, tu restes comme une seconde, après tu te relèves, puis aussitôt relevé tu te repenches, tu te prosternes directement, puis tu te prosternes deux secondes, tu te relèves deux secondes. Ça c'est pas une prière. Hein? Ta prière, il faut que tu prennes ton temps dedans. Il faut que tu sois en paix. Et en chaque mouvement, tu retrouves ton calme, ta sérénité, hein? Ta tranquillité. Il faut que tu te reposes dans ta prière. En chaque mouvement, que tes os reviennent à leur place initiale. Et que tu prends ton temps en chaque mouvement. C'est pas une course, hein. Donc, le cheikh, il mentionne ça comme parmi les piliers de la salat. Après, il dit, at-tartib bayna al-arkan. C'est-à-dire qu'il y ait un ordre. Tu dois faire ta prière, chaque mouvement, un après l'autre. Tu peux pas sauter des mouvements ou faire un mouvement avant l'autre. Hein, c'est un après l'autre. Tu dois les faire suivre un après l'autre. Et la preuve, c'est le hadith de celui qui n'avait pas prié correctement à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est rapporté selon Abi Huraira qu'il y a un homme qui est rentré dans la mosquée et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était assis avec Abu Huraira et d'autres. Donc Abu Huraira, il dit, nous étions assis avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puis il y a un homme qui est rentré et qui a fait la salat. Hein? Et après il est venu pour donner le salam au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, retourne faire ta salat parce que tu n'as pas prié correctement. Alors l'homme est retourné, il a fait exactement la même chose et il est revenu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, retourne prier encore. En tout, il a fait ça pendant 3 fois. Hein? Et à la fin, l'homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit, par celui qui t'a envoyé en toute vérité, yani, apprends-moi parce que je sais rien d'autre mieux que ça. C'est-à-dire, je ne connais rien d'autre mieux que ça. Qu'est-ce que j'ai fait là, c'est ce que je sais. Donc, apprends-moi. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a expliqué comment faire la prière correctement. Il lui a dit, lorsque tu te lèves pour ta salat, fais le takbir. Tu fais le takbir, tu dis Allahu Akbar. Puis tu récites ce qu'il y a avec toi comme qu'est-ce que tu connais du Coran. Puis tu fais recours, tu t'inclines jusqu'à ce que tu sois en tranquillité et en repos dans ton recours. Puis tu te relèves tout droit et ensuite tu te prosternes jusqu'à ce que tu sois en repos en tranquillité dans ton sujoud, dans ta prosternation. Puis tu te redresses assis entre les deux prosternations jusqu'à ce que tu sois en repos dans ta position assise. Puis tu te reprosternes encore. Et après il a dit, tu fais ça dans toute ta prière. C'est-à-dire, tu prends ton temps de te reposer entre chaque mouvement. Hein? Dans le sens que tu dois être en tranquillité pendant chaque mouvement. Et le cheikh, il dit, cheikh Abdul Mohsen, il explique ce passage. Il dit, هذه سبعة من أركان الصلاة كلها أفعال وقد دل عليها جميعها حديث المسيء صلاته رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وحديث السجود على الأعضاء السبعة أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين ولا نكفت الثياب والشعر رواه مسلم أيضا. Donc on va expliquer cette partie-là. Le cheikh explique que les 7 piliers qu'on a mentionnés ici sont des actions. Et elles sont indiquées dans le hadith, elles sont toutes indiquées dans le hadith de celui qui a prié incorrectement. Celui qui a prié incorrectement, qu'on a mentionné dans le hadith tout à l'heure, qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et Al-Bukhari c'est dans le hadith 757 et Muslim c'est dans le hadith 397 selon Abi Huraira. Et le hadith qui mentionne de se prosterner sur 7 membres, il est rapporté par Al-Bukhari, le hadith 812 selon Ibn Abbas radiallahu anhuma. Il dit, j'ai été ordonné de me prosterner sur 7 membres et il, ou bien sur cet os, et il mentionne le front, et avec son doigt il indique le nez. Donc le front et le nez, ça fait un. Les deux mains, les deux genoux et les deux bouts des pieds, ça veut dire, ça fait sept. Hein? Les deux pieds, les deux genoux et les deux mains, ça fait six. Plus le nez et le front, ça fait sept. Et voilà, nakfitu thiyab wa sha'r, c'est-à-dire on ne va pas plier les vêtements ni les cheveux. Donc dans la salat, on n'a pas le droit de plier les vêtements ou les cheveux, c'est-à-dire faire des rebords ou rouler ou plier les manches ou les bas de vêtements. Hein. Ça aussi c'est rapporté par l'imam muslim, le hadith 490. سواء طال الاطمئنان أو قصره، أما الترتيب فيأتي بها مرتبة، والقيام ثم الركوع ثم الرفع منه ثم السجود ثم الجلوس بين السجدتين، فلو سجد ناسيا قبل أن يركع وجب عليه أن يرجع ليأتي بالركوع ثم السجود، ولا يعتد بالسجود الذي حصل منه Sahwan. Donc le cheikh il dit at-tama'nina, c'est-à-dire le repos et la tranquillité, c'est-à-dire d'y aller doucement, de ne pas se presser, de se précipiter dans la prière. Yani, c'est pas de faire les gestes de la prière yani, rapidement. Il faut qu'il prenne son temps pour faire sa prière calmement. Peu importe que ce calme-là soit ou cette soit de longue durée ou courte, mais l'important c'est qu'il ne soit pas précipité, hein, pas fait de façon trop rapide. Il faut qu'il soit en tranquillité durant sa prière. Et le cheikh il dit ensuite qu'il faut respecter l'ordre. Il doit faire ces mouvements-là en ordre. En premier, il est debout, il récite la Fatiha et ainsi de suite. Ensuite, il s'incline, il se relève. Ensuite, il se prosterne. Ensuite, il s'assoit entre les deux prosternations. Puis ensuite, il se prosterne encore. Si quelqu'un, par exemple, avant de faire le recours, il se tient debout, puis là, il tombe directement dans la prosternation, avant d'avoir fait le recours, eh bien, dans ce cas-là, il doit se relever. Il doit se relever et faire son recours avant de faire son sujoud. Et il ne tient pas compte du sujoud qu'il a fait avant de s'être incliné. Quand il a fait ça par distraction, par exemple. Donc, on va s'arrêter ici, Inch'Allah, pour aujourd'hui, puis on continuera ça au prochain cours, Inch'Allah. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.